Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéotop. Nous profitons des vacances pour revoir ensemble les meilleurs DVD de l'année. Arthur est au comble de l'excitation. C'est aujourd'hui la fin du 10e cycle de la Lune et il va enfin pouvoir regagner le monde des Minimoys pour y retrouver Selenia. C'est sans compter sans son père qui choisit précisément ce jour-là pour quitter plutôt que prévu la maison de sa grand-mère. 10 lunes sont passées et Arthur va enfin retrouver l'élu de son cœur. J'ai été admis dans le grand cercle aujourd'hui. Les Minimoys préparent une fête en mon honneur. Les Mini... Mini quoi ? Hey man ! Mon ami ! Comment me trouvez-vous ? Sublime ! Et la fête a lieu où exactement ? Dans mon jardin. Tant que tu ne sors pas du jardin, tu peux faire ce que tu veux. Mais quelques heures plus tard, Arthur reçoit un message terrifiant. Oh mon Dieu ! Grand-père, j'ai reçu un message. Les Minimoys, ils sont en danger. Ils comptent sur nous. Je suis prêt. Allez-y, tirez ! Wow, wow, wow, eh, hey, mais qui voilà ? Le petit prince est de nouveau en vadrouille. Tu sais conduire cet engin ? Quand on a conduit un moustique, on peut tout conduire. Courage, cousin ! Arthur et la vengeance de Maltazar, un film de Luc Besson, un DVD Fox Pathé Europa.